alors viendra le silence, jamais de cri entre nous. Je sais, ça n'a plus d'importance, notre histoire va s'arrêter là. Nous avons vécu trop longtemps pour pouvoir reparler de ça. Et la force de l'habitude avait pris comme un arrière-goût. J'aurais voulu qu'on reste amis, au moins qu'il n'y ait pas de haine, qu'on puisse encore se regarder, se parler et même se sourire. Mais à force de cohabiter, tant bien que mal, ça devient pire. Tu continuais à croire encore que je n'allais pas briser mes chaînes. Bye bye moi, je file, j'ai une vie à continuer. Bye bye moi, je file, une vie à recommencer. Maintenant que tu sens la fin, tu refuses de jeter l'éponge. Tu essaies de me faire passer pour celui que je ne suis pas. Mais ne te fais pas d'illusions, il n'y a que toi qui le crois. J'espère que tu ne le penses pas. Juste la rancœur qui te ronge. Bye bye moi, j'ai une vie à continuer. Bye bye moi, je file, une vie à recommencer. Tu as mis en travers de ma route ce qui m'a empêché de vivre. Et tu rages car tu sais bien que j'ai fini par rejeter. Ces obstacles incontournables, j'ai dû oublier le passé. Les manigances ne peuvent plus m'empêcher d'être à nouveau libre. Libre de vivre mes passions, ce qui était ma raison d'être. Celle qui en veut à mon argent, je n'en ai pas, tu me fais rire. Tu es prête à n'importe quoi, juste pour tenter de me détruire. Mais c'est toi-même qui vas sombrer. Je ne sauterai pas par ta fenêtre. Bye bye moi, je file, j'ai une vie à continuer. Bye bye moi, je file, une vie à recommencer. Tu vas jusqu'à me provoquer, et chaque mot devient un drame. J'ai ma fierté et des principes auxquels je ne saurais déroger. Et même si je tape dans les murs, juste pour te terroriser, tu sais très bien au fond de toi que je ne suis pas pourri dans l'âme. Bye bye moi, je file, j'ai une vie à continuer. Bye bye moi, je file, vie à recommencer. Voilà, je suis sur le départ, j'ai déjà fermé mes valises. Il n'y a plus rien qui me retient, il y a même un amour qui m'appelle. Je